Le complot de la forêt. Écrit et enregistré par Sabine Huchon pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Une légère brise rafraîchissait son visage. Le cheval de Mathilde allait, d'un pas tranquille, sur le sentier tracé dans la forêt, et la jeune fille respirait à plein poumon. Elle aimait à se promener seule dans cette forêt, loin des conventions du château où elle vivait. Aujourd'hui, elle avait choisi de pousser un peu plus loin la promenade. Il était midi, cela faisait 3 heures qu'elle chevauchait son fidèle Balzan. « Ai-je pris à droite ou à gauche à la dernière fourche ?» songea-t-elle soudain. « Je suis allée un peu trop loin aujourd'hui, j'espère que je ne suis pas perdue. » Quand elle entendit un bruit sourd devant elle, il était déjà trop tard. Un renard passa d'un bond devant son cheval, qui, effrayé, rua et s'emballa. L'animal poursuivit sa course à une vitesse folle. Mathilde, excellente cavalière, s'accrocha à la crinière. Néanmoins, elle fut désarçonnée et tomba, inanimée, au cœur de la forêt. Le Balzan disparut. Mathilde entr'ouvrit les yeux. « Eh bien, jolie jeune fille, que faites-vous là un jour de grande chasse? Vous auriez pu vous faire tuer ?»« Un renard a barré mon chemin, mon cheval s'est emballé, » murmura-t-elle, encore tout étourdie de sa chute. « Le renard aussi a filé, » dit l'homme d'un air mécontent. « Voulez-vous me reposer par terre, s'il vous plaît? Je crois que je peux marcher. » L'homme s'exécuta, mais Mathilde vacilla sous la douleur et retomba dans les bras de la brute qui la portait. Vous allez monter avec moi sur mon cheval. Rentrons. Il est midi de toute façon. Mes compagnons sont déjà en route vers la cabane. En quelques instants, ils furent à ce que l'homme appelait la cabane. Odile, j'ai un cadeau pour toi, cria l'homme d'un ton bourru en descendant de sa monture. Je l'ai trouvé sur l'ancien chemin des loups. Prends-en soin, c'est fragile, ces petites choses. Mathilde grimaça en s'entendant appeler petite chose. La douleur qu'elle ressentait au thorax lui fit ravaler sa langue. « Tu la mettras dans la chambre rose, » ajouta-t-il dans un grand rire. « Elle sera assortie à son écharpe. » La femme haussa les épaules et s'adressa à Mathilde en souriant chaleureusement. « Appuyez-vous sur moi, jeune fille. » Mathilde, couchée sur le cheval, se laissa glisser au sol en serrant les dents. La femme l'emmena dans une chaumière. « Je vais vous installer dans ma chambre au fond de la cabane. » Vous y serez tranquille pour vous reposer. » Quelques minutes après, Odile revint avec un bol de soupe fumant. Mathilde dormait déjà. Quand elle rouvrit les yeux, elle était seule. Elle fit le tour de la chambre d'un regard. Une odeur d'humidité lui arrivait à la gorge. Par contre, l'ensemble, composé d'un mobilier très simple et fonctionnel, était propre. Odile entra. C'était une femme d'environ 40 ans, aux cheveux très noirs, les traits encore jeunes, mais qui s'avérait tirée de fatigue ou de chagrin. « Où suis-je ? » lui demanda Mathilde. « Qui êtes-vous ? Où est mon cheval ?»« Hola, hola, jeune fille, » répondit la femme en riant. « Je ne peux répondre qu'à une question à la fois. Comment vous sentez-vous ? » « En plus d'avoir la tête dans un étau, j'ai mal partout. » « Certainement quelques côtes cassées. Vous n'en aurez que pour 3 ou 4 jours. » 3 jours, ce n'est pas... Chut, ne vous agitez pas, il faut vous reposer. Je vais réchauffer votre soupe. Inutile, je ne peux rien avaler. Où suis-je? Vous êtes dans une cabane de chasse. Chaque année, durant tout le mois de septembre, les hommes de la famille de mon mari s'y réunissent. Ils chassent surtout des renards et des sangliers pour les peaux. Un peu de gibier aussi pour la gamelle. C'est votre mari qui m'a trouvé? Oui, il s'appelle Judoc. « Il n'est pas aussi désagréable, vous savez, » précisa-t-elle du bout des lèvres en guise d'excuse. « Que faites-vous ici? Vous chassez ?» Odile rit à nouveau. « Bien sûr que non, je m'occupe de la cabane. » En réalité, c'est une chaumière qui appartenait à mes parents. Après leur mort, plus personne ne l'a entretenue. Qui voudrait d'une chaumière perdue au fond d'un bois? Sauf pour la chasse. Elle est plutôt vétuste maintenant. Alors Judoc l'appelle la cabane. « Moi, je m'occupe surtout de leurs habits et de leurs estomacs toujours affamés. »« Ils sont nombreux ?» demanda Mathilde. « Ils sont 7 cette année. » Le sourire d'Odile s'effaça brusquement de son visage. Mathilde crut même voir ses yeux se remplir de larmes. Elle n'avait pas tort. L'année dernière, ils étaient 8 avec mon fils. Mathilde n'osa plus poser de questions. Odile se tourna et s'empara d'une pile de linge qu'elle plia en tournant le dos à la jeune fille. « Et vous ? » demanda-t-elle timidement. « Mon cheval s'est emballé, un renard. » « Ça, je sais, Judoc fut le menacé. Il tenait le renard en joue quand vous avez surgi sur le sentier. Comment vous appelez-vous ? » « Mathilde. » Odile frissonna, mais la jeune fille ne s'en aperçut pas. « Allons, je vais vous la réchauffer, cette soupe. Il faut reprendre des forces. » Elle sortit presque en courant. Trois jours après, grâce aux bons soins d'Odile, Mathilde avait repris quelques forces. Sa cruche d'eau était vide, elle décida de se servir elle-même à la cuisine. Lorsqu'elle se leva, la douleur dans le thorax n'était plus aussi violente. En revanche, sa nuque grinça et ses jambes flageolèrent. « Pourvu que je trouve de l'eau dans la cuisine, pensa-t-elle, je n'ai pas la force d'aller jusqu'au puits. » En s'accrochant au mur, elle longea le corridor, qu'elle reconnut pour être passée par là à son arrivée. Des voix lui parvenaient d'une pièce ouverte sur le couloir, comme étouffée. Mathilde tendit l'oreille, sans oser entrer. C'étaient des voix d'hommes, sans doute celles des chasseurs. « Pourquoi murmurait-il ? » « Pas encore, nous ne sommes pas tout à fait prêts. » Nous avons rendez-vous avec le reste ce soir à 10 heures. C'est Judoc qui prendra la tête. Il ne faut pas que notre impatience nous perde. » C'était Judoc qui avait prononcé cette dernière phrase. Mathilde reconnut sa voix. Un peu déstabilisée, la jeune fille allait faire demi-tour, quand un grand frisson lui parcourut le dos. Elle éternua. Judoc se leva d'un bond. « Qui est là ? » demanda-t-il d'une voix de stentor. Mathilde pencha lentement la tête à l'intérieur de la salle. Son éternuement avait ravivé la douleur provoquée par les côtes, sinon cassées, au moins fêlées. « Tiens, mademoiselle Rose !» s'exclama Judoc ironiquement. L'assemblée ricana doucement. Cet homme en tenue de chasse était assis autour d'une table. « Mademoiselle Fouineuse !» murmura un chasseur dans sa moustache. Mathilde remarqua qu'ils portaient tous une grosse chevalière, sertie d'une pierre rouge à l'index droit. « Je cherche la cuisine, » dit-elle en tendant vers eux sa cruche vide. Judoc fit un signe à un homme plus jeune que lui, assis à la table. L'homme se leva aussitôt et prit la cruche. « Éric va s'en occuper, regagnez votre lit. » Mathilde n'osa pas protester. Elle regagna sa chambre, cependant elle ne se coucha pas. « Ces hommes fomentent un mauvais coup, il faut les déjouer. » Au lieu de se reposer, la jeune fille fit maints exercices pour retrouver une certaine forme physique. Elle avait décidé de suivre les chasseurs ce soir, quoi qu'il lui en coûtât. À 9h30, elle entendit du remue-ménage. Elle se leva de la chaise sur laquelle elle patientait pour ne pas s'endormir, s'empara d'une houppelande qui était restée accrochée à la porte, et sortit de sa chambre sur la pointe des pieds. Les chasseurs étaient réunis à la barrière. Judoc ordonna « Allons-y !» Dans un premier temps, Mathilde craignit que les hommes ne partent à cheval, car ils se dirigeaient vers les écuries. Mais ils les contournèrent. Elle soupira de soulagement et les suivit à la faveur de la lune. Les hommes, munis de flambeaux, allaient bon train. Mathilde avait du mal à les suivre. Elle avait l'impression que ses tempes allaient exploser. La pluie se mit de la partie. Malgré sa houppelande, Mathilde fut bientôt transie de froid. Toutefois, on arriva très vite à une sorte de caverne encastrée dans la roche. L'entrée en était bien dissimulée par un enchevêtrement de lierre. « Je ne reconnais pas cet endroit, » se dit la jeune fille. « Je crois qu'en me promenant sur mon balsan, je suis allée vraiment trop loin et que je me suis perdue. Pourquoi n'ai-je pas insisté auprès d'Odile pour savoir plus précisément où je suis ? Tiens, à propos d'Odile, je ne l'ai pas vue depuis ce midi. Zut, les chasseurs entrent dans la grotte. Comment y pénétrer sans me faire remarquer ? Tant pis, je vais patienter ici un instant, puis je tenterai ma chance. » Elle n'eut que le temps de se jeter dans un fourré qu'un autre groupe d'hommes surgit et entra à son tour dans la grotte. Une fois le silence entièrement rétabli, elle se remit sur pied péniblement et se glissa à travers les lierres comme elle avait vu faire les chasseurs. Il y faisait très sombre, mais une poignée de torches diffusait cependant assez de lumière pour se diriger. D'ailleurs, ce n'était pas un labyrinthe, juste un long couloir à suivre qui descendait en pente douce, avec sur les murs des niches où étaient gravés plusieurs symboles. Les murs suintaient fortement. Il ne fallait pas qu'un des hommes décide de faire demi-tour. Mathilde serait piégée. Après avoir parcouru une distance qui lui parut assez longue, elle perçut une lumière plus intense. Elle ralentit le pas. Heureusement, la jeune fille était arrivée en haut d'un escalier dans lequel elle faillit basculer. Du haut des très nombreuses marches, Mathilde eut une vue d'ensemble de ce qui se passait sous ses pieds. Elle se blottit dans une mince cavité pour ne pas être démasquée, et ce qu'elle observa l'étonna considérablement. Tout en bas, il y avait une grande caverne naturelle dont on ne voyait pas les limites à cause de l'obscurité. Les torches n'éclairaient qu'une table entourée de bancs, tout en pierre, installée au pied des marches. Une douzaine d'hommes, ceux qu'elle avait vus entrer, y étaient assis. Les comploteurs, pensa Mathilde, Judoc est sans conteste le meneur. Judoc semblait effectivement en être le chef, car il était assis au bout de la table. Les hommes parlaient à haute voix. Sûrement qu'au fond de cette enceinte, ils se croyaient à l'abri des oreilles indiscrètes. Certains même criaient leur désaccord. « Le poison !» disaient les uns. « L'épée !» protestaient les autres. « Silence !» trancha Judoc. « Comment introduire le poison au château? Comment s'assurer que ce sera lui qui le boira ?»« Par contre, trois d'entre nous peuvent se déguiser en commerçants en cachant une épée sous leurs habits. L'hiver arrive. » Il nous sera naturel de porter de grands manteaux. Il nous suffira de nous approcher de lui pour lui présenter quelques tissus ou épices. Mathilde comprit vite. Ces brigands préparaient un assassinat. Qui voulait-il tuer? Dans quel château? Il fallait en savoir un peu plus pour détourner le complot. Les jambes de Mathilde commençaient à s'ankyloser. Elle voulut changer de position pour les dégourdir. Malheureusement, elle glissa sur le sol humide et une pierre dévala les marches. Le bruit fit immédiatement lever la tête des 12 hommes. « Encore notre jeune écervelé !» s'exclama un des chasseurs que Mathilde avait vu à la chaumière. « Cette fois, tu ne t'en réchapperas pas !» cria Judoc. À peine eut-il le temps de finir sa phrase que déjà 4 hommes avaient gravi toutes les marches et s'emparaient de Mathilde qu'ils descendirent dans la caverne. Deux d'entre eux se remirent à leur place, mais les deux autres lui tenaient les bras de leurs fortes poignes. Ces hommes-là, jamais Mathilde ne les avait vus. Elle nota qu'ils portaient la même bague que les chasseurs. « Que fait-on d'elle ?» demanda celui qui se tenait à sa gauche. « Enfermez-la !» ordonna Judoc. « Il ne faut pas qu'elle parle !» C'est à ce moment que Mathilde se rendit compte qu'elle n'était pas uniquement descendue dans une caverne, mais en enfer. Ses yeux s'étaient adaptés à la lumière, et ce qu'elle découvrit lui fit monter un énorme frisson des pieds à la tête. La caverne n'était en réalité pas immense. Seulement, on avait creusé des trous dans les parois de la hauteur d'un homme, et des grilles fermaient ces trous. C'était une prison. Mathilde se débattit avec force. « Assassin !» hurlait-elle. « Lâchez-moi ! Assassin ! Pleutre !» Ses récriminations furent vaines. La grille de la geôle se referma sur elle en grinçant abominablement. Judoc enroula lui-même autour des barreaux une grosse chaîne qu'il ferma d'un solide cadenas. Il se passa un long moment avant que Mathilde ne retrouvât ses sens. Cette fois, c'est son corps entier qui était tout endolori. La cellule était si peu profonde qu'elle ne pouvait pas même s'asseoir au sol. Malgré la douleur et la fatigue, elle dut rester debout. Les hommes étaient partis. Elle se retrouvait seule dans le noir. Juste le bruit angoissant d'une goutte d'eau qui tombait du plafond à ses pieds lui tenait compagnie. « Je serais morte de faim ou de soif avant que quelqu'un ne vienne me délivrer de ce supplice. » Elle avait beau être courageuse, Mathilde se sentit remplie de désespoir. Malgré elle, une larme roula sur sa joue. De longues minutes passèrent encore, peut-être de longues heures, Mathilde ne savait plus. Quand elle entendit soudain prononcer son prénom, l'appel avait l'air de venir du haut de l'escalier. « Mathilde, vous êtes là ?»« Odile ! Odile !»« Chut, ne criez pas. Oui, c'est vous, Mathilde. Je suis enfermée dans une cage. » Odile, une torche à la main, descendit jusqu'à la grille de la prisonnière. Que faites-vous ici, mon enfant ? Je vous raconterai. Vite, il faut que nous fuyions au plus vite. Judoc et ses comparses pourraient revenir. » Odile se saisit d'un trousseau de clés accroché au mur pour ouvrir la grille. « Suivez-moi, il y a un passage secret par ici. » Il fallut aux deux femmes se plier en deux pour parcourir le corridor qui n'en finissait pas. Une fois dehors, elles s'effondrèrent sur la mousse trempée de la forêt. Les mains de Mathilde tremblaient encore, mais ses doigts, qui s'étaient accrochés à la grille de la prison pour la secouer vigoureusement dans l'espoir qu'elle cède, reprirent un peu de couleur. La jeune fille se concentra pour faire le tri dans ses idées. Les événements s'étaient enchaînés si vite. Elle se redressa légèrement et parla à la première. Son air était des plus sérieux. « Odile, expliquez-moi ce que vous faites ici. Pourquoi est-ce vous qui m'avez libérée ?»« Rassurez-vous, petite, ne doutez pas de moi, je suis votre amie. »« Mon amie, en êtes-vous certaine ?»« Laissez-moi vous raconter mon histoire. Vous verrez que je n'y suis pour rien dans ce qui vous est arrivé. N'ai-je pas pris le risque de vous libérer ?» L'argument était de poids. « Je vous écoute, » répondit Mathilde. Au moment où les hommes sont sortis de la cabane, j'étais en train de tirer de l'eau du puits. Il est un peu en retrait, avec la nuit vous ne m'avez pas vu. Personne d'ailleurs ne m'a vu. Moi je vous ai aperçu les suivre en catimini depuis la maison. J'étais persuadée que les hommes partaient en chasse de nuit, et je croyais que vous alliez les interrompre pour une raison ou pour une autre. Judoc aurait été furieux. Je comptais vous rattraper pour vous ramener à la cabane. Je me suis vite aperçu que les hommes se dirigeaient vers la grotte. Je ne sais pas pourquoi, subitement je vous ai senti en danger. Surtout quand vous avez pénétré dans la grotte à leur suite, vous n'aviez même pas de torche pour vous guider. Il y en avait sur les murs. Vous saviez donc ce qu'il fomentait dans cette grotte ? Non, je l'ai découvert comme vous. En fait, je vous ai suivi à l'intérieur. Seulement, une fois que vous vous êtes arrêté en haut des marches, je n'ai pas osé vous interpeller, de peur que vous nous fassiez remarquer. Lorsque vous avez buté dans la pierre, je me suis enfuie et je me suis enfermée toute tremblante dans la chaumière. Les hommes sont rentrés se coucher peu après. En les voyant arriver par la fenêtre, j'ai bien vu que vous n'étiez pas avec eux. J'ai pris mon courage à deux mains. Une fois tous endormis, je supposais, je suis venue vous rejoindre. Mais vous connaissiez cette grotte, puisque vous nous avez fait sortir par le passage secret. Enfant, je venais y jouer avec mes frères et sœurs, aux grandes dames de notre mère qui tremblaient de nous voir nous rompre le cou dans le grand escalier. À ce souvenir, le visage d'Odile s'illumina. « Alors vous ne savez rien de ce complot ?»« Non, rien. Qui veulent-ils assassiner ? Ils n'ont prononcé aucun nom. » »« Je crois pourtant avoir deviné. Ils veulent tuer le duc du château de Fontpierre. » À ce nom, Mathilde bondit sur ses pieds. « Le duc de Fontpierre ? Mais c'est mon père !» Je m'en doutais un peu. À votre arrivée à la cabane, vous portiez de beaux habits, même s'ils avaient été endommagés par votre chute. Puis vous m'aviez révélé votre prénom. Vous saviez qui j'étais? Vous saviez que votre époux voulait assassiner mon père, et vous ne m'avez rien dit? Je ne savais pas que Judoc voulait le tuer, répondit Odile. Je n'ignore pas la haine qu'il éprouve envers lui, car il le tient responsable de la mort de notre fils. Je croyais naïvement que le procès l'avait calmé, bien que votre père ait été reconnu innocent. Je le pense d'ailleurs que ce n'est pas lui qui a tué notre fils. C'est accidentellement qu'il s'est noyé dans les douves du château. Le petit Jacquemin était votre fils ? Un sanglot étouffa le oui d'Odile. C'est la vérité qu'il est tombé tout seul dans les douves. Mon père a tout fait pour l'en sortir. Cependant, votre mari passait par là juste à ce moment. Il a cru que votre fils avait été renversé par le cheval de mon père. « Je sais, jeune fille, je sais, » souffla Odile. « Il n'en reste pas moins que mon père est en danger. Qui sait si ce n'est pas demain que ces brigands vont passer à l'acte ? Il faut aller au château de votre père au plus vite. Comment se diriger ? Je ne sais même pas où nous sommes, » se désola Mathilde. « Moi, je le sais, le château est au nord. » Mathilde, qui était restée debout, tendit la main à Odile pour l'aider à se relever. « Il nous faudrait des chevaux, » dit-elle. « À cheval, nous n'en aurons que pour de bonnes heures, tandis qu'à pied, nous y passerons la nuit. Prendre le risque de retourner aux écuries réveiller les chevaux ? Sûrement pas. Vos chasseurs nous entendraient, et alors je ne donnerai pas cher de notre peau. » Les deux femmes s'engagèrent donc à pied dans la forêt. La pluie freinait leur progression. Les deux femmes glissaient sans cesse. Elles s'épuisèrent vite et durent se reposer un instant au pied d'un arbre. Mathilde ne sentait plus ses côtes, mais ne se plaignait pas. « À ce rythme-là, nous ne serons jamais arrivés avant demain soir, » remarqua Odile. Mathilde ne répondit pas. Odile avait raison. Pourtant, comment faire autrement ? Ce n'est pas en pleurant sur notre sort que nous avancerons plus vite, rétorqua Mathilde. Debout, Odile, il faut continuer. Dès qu'Odile fut levée, la jeune fille bondit sur elle et lui dit à l'oreille. Pas un mot, Odile, ne bougez plus, j'ai entendu un bruit. Moi aussi je l'ai entendu, n'ayez pas peur, c'est un loup. Un loup, et il faudrait que je ne m'effraie pas. Avec toute cette pluie, cela m'étonnerait qu'il nous sente. Avançons sans faire de bruit pendant un moment. Elles avancèrent, le bruit les suivit. Regardez, Odile, là-bas, de la lumière. Les deux femmes coururent vers la lumière sans se consulter davantage, et tambourinèrent si fort à la porte de la petite maison qu'elles découvrirent, qu'on leur ouvrit sans tarder. Vite, laissez-nous entrer, supplia Odile. Les loups. Devant la frayeur évidente des deux femmes, le vieil homme qui avait ouvert la porte se recula afin de leur céder le passage. Eh bien, mesdames, si je m'attendais à une telle visite au milieu de la nuit. C'est que, bredouilla Odile toute tremblante de froid. Aussitôt Mathilde lui pinça le bras en la regardant d'un air qui voulait dire « Tais-toi ». « Allons, allons, vous m'expliquerez plus tard, » dit l'homme. « L'urgence est de vous sécher un peu, il me semble. » Le vieil homme paraissait bienveillant. En un geste, il raviva les braises de la cheminée et y déposa des fagots de bois. Les flammes ne tardèrent pas à réchauffer ses convives inattendus. Très vite, il s'en dégagea un fumet délicieux de la marmite qui pendait à la crémaillère. « Je vous sers un bol de pot-au-feu. Pendant que vous l'avalerez, vous me raconterez par quel extraordinaire vous êtes venu frapper à ma porte au milieu de la nuit. » Odile n'osa répondre. C'est Mathilde qui prit la parole. « Nous venons du château de Fontpierre. Je suis Mathilde, la fille du duc, et voici Aliette, madame de compagnie. Nous nous promenions à cheval ce matin. Néanmoins, je crains que nous ne soyons allés un peu loin, car nous étions perdus. Pour notre malheur, un renard, apeuré peut-être par les chasseurs, a effrayé nos chevaux et se sont enfuis. Depuis, Aliette et moi nous tentons en vain de retrouver notre chemin. Vous n'êtes plus très loin maintenant. Le château de Fontpierre est à 2 ou 3 lieues d'ici. À cheval, vous serez rendu au lever du jour. Mais nous n'avons plus de cheval, protesta la fausse Aliette. Suivez-moi jusqu'à l'étable. Le vieil homme enfila son manteau et son grand chapeau, et tous les trois sortirent. Il poussa le loquet de la porte de l'étable. « C'est cela dont vous avez besoin. » Les yeux des deux femmes s'écarquillèrent. « Ulior, mon Balzan !» Le Balzan reconnut sa propriétaire. On eût dit qu'il hennissait de joie. « J'ai trouvé ce jeune homme avec ma vache qui était au pré cet après-midi. Je me doutais bien que son propriétaire en était tombé, puisqu'il est encore entièrement harnaché. » Puis se tournant vers Odile. « Quant à votre monture, madame, je ne l'ai pas seulement entreaperçue. » Mathilde pinça de nouveau Odile avant qu'elle ne commette une bévue. « Nous retrouverons bien ton cheval un jour ou l'autre, Aliette. » Mathilde avait insisté sur le mot « Aliette » pour qu'Odile continue à jouer le jeu. « Oui, oui, monsieur, » dit-elle au vieil homme en se ressaisissant. « Ne tardons pas, ma chère Odile, on doit être très inquiet au château. » Les adieux furent brefs. Mathilde remercia. « Je ne vous oublierai pas, cher monsieur, vous serez récompensé de votre générosité. » Les deux femmes se mirent en selle. Cependant, au moment de donner le signal de départ à sa monture, Mathilde s'adressa à sa compagne. « Vous êtes bien installée, Odile ?» Le vieil homme sourit et rentra. On entendit alors « Vous ne vous en tirerez pas à si bon compte, gredine !» Odile s'étrangla. « Mon Dieu, ce n'était pas un loup qui nous suivait, c'était Judoc !» Mais Judoc avait beau vociférer, le poing serré en l'air, le Balzan avait déjà pris le galop. Père, père! Enfin, ma fille! Mathilde se précipita dans les bras de son père. Après de chaleureuses embrassades, il s'écarta un peu et lui demanda. Où étais-tu passé? Je mourais d'inquiétude. Tous nos gens sont à ta recherche depuis plusieurs jours, quand je ne t'ai pas vu revenir de ta promenade. C'est une longue histoire, père. Laissez-moi vous présenter Odile. Elle m'a sorti d'un beau guépier. Vous pouvez la remercier. » Le duc baisa la main d'Odile, qui rougit un peu. « Madame, vous me rapportez ce que j'ai de plus précieux au monde. » « Je suis tombée de cheval, » reprit Mathilde. « Et des chasseurs qui m'avaient accueillie m'ont ensuite emprisonnée. Mais là n'est pas le plus grave, père. Le plus important est qu'ils vont venir, déguisés en commerçants, pour vous assassiner. » Le duc se laissa tomber sur son fauteuil. « En effet, il y a de cela peut-être une heure, dès le lever du soleil, des commerçants se sont présentés à la porte du château, en insistant auprès de mon intendant pour me présenter eux-mêmes des soieries, des pierreries ou des épices, je crois. Ils n'ont pas perdu leur temps, remarqua Odile. Se sentant peut-être démasqués, ils ont dû se mettre en chemin hier soir, aussitôt que je suis sortie de la cabane pour vous délivrer. Vous les avez reçus, père ? Non, j'étais trop inquiet de votre disparition pour me préoccuper de quelque pacotille que ce soit. Cependant, mon intendant Gobert m'a demandé la permission de les faire dîner aux cuisines. Peut-être y sont-ils encore. Tout le monde se précipita vers les cuisines. Les trois bandits y étaient encore attablés. Le duc les fit saisir par ses gens et enfermer dans une chambre bien gardée. Ce soir-là, le duc fit donner une grande fête au château en l'honneur de sa fille et aussi d'Odile qui l'avait sauvée d'une mort certaine et affreuse au fond de la caverne. Après avoir raconté au duc le détail de leurs aventures, les deux femmes s'étaient reposées un peu, et on les retrouvait alors au bal, toutes deux parées d'une jolie robe de soie et de splendides bijoux. « Mon cher Claude, » dit Mathilde en souriant malicieusement à son frère, « vous ne quittez plus des yeux la charmante Odile ?»« Ma foi, je ne compte pas rester veuve toute ma vie, ma très chère sœur. »« Vous oubliez qu'Odile est mariée. »« Elle ne le restera pas longtemps. Son gredin de mari sera sans aucun doute pendu dans peu de jours. » « Es-tu certain qu'elle voudra de toi ?» La jeune fille obtint immédiatement sa réponse. À cet instant, Odile se tournait vers eux. Elle salua timidement Claude d'un signe de tête. Mais jamais Mathilde ne lui avait vu un si grand sourire.